toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Jolène Ruet qui anime Critique de Crowd. Et Critique de Crowd, comme le dit si bien le nom, je critique les foules, mais aïe, aïe, aïe, il faut bien le dire. Je juge, je peux et j'observe plus. Et surtout, je te commente mon expérience humaine parce que c'est ça la crowd. C'est ça la différence d'aller voir un spectacle au lieu de, je sais pas moi, t'acheter le DVD puis l'écouter chez vous, tout seul. Hey, ça, ce serait triste. Et justement, je crois que dans les bands qui sont des classiques, on peut en avoir de multitudes d'exemplaires de leur spectacle. Mais il y avait là l'occasion de les voir en chair et en os. Et je pense entre autres à Dropkick Murphys, Rancid X. Ben oui, j'étais au Festival 77 vendredi dernier. Alors, bien du plaisir, bien de la chaleur parce que c'était une tout à fait belle journée, je vous dirais. C'était le temps de bronzer, de sortir sa couenne et de la rendre toute brune parce que, ouais, moi, en tout cas, l'été avance et je suis encore tout à fait palote parce que la plupart des spectacles que je vous ai critiqués sont quand même aussi en salle. Alors, allons dehors, allons au parc Jean Drapeau ou presque, ouais, rénovation. Je vous parle de tout ça, après avoir écouté Barrasso. Effectivement, ils étaient de la programmation avec Genetic Control, Kingpins, Joss Manor, The Creepshow, mais ils étaient sitôt, tout comme Paylips. Je vous concède que je les adore, mais que je les ai pas vus parce que ma journée commençait pas à midi. Alors, je préfère les passer tout de suite. Alors, Barrasso sur les ondes de la marge. Elle est bien courte et bien efficace, cette chanson de Barrasso. Et oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd et je suis allée à 77 vendredi dernier, tout récent événement d'Evenco. Et je le mentionne parce que oui, c'est un gros événement. Et Evenco qui gère aussi Oshiaga ou qui, EV Montréal, pour ne pas mentionner, parce qu'il n'existe pas cette année. Je crois que c'est quand même une signature, leurs événements. Et pourquoi? Mais pourquoi 77? Ben, tout simplement parce qu'ils ont... Ah mon Dieu, ça c'est comme un débat, je vais me permettre le mot, mais débat de puriste. Là, quelle est l'année du début du punk et aussi quelle est l'année de la mort du punk? Alors après petit débat sûrement à l'interne, là, ils ont décidé que 2017, c'était bien les 40 ans du punk avec la sortie du premier album de Clash et celui des Sex Pistols. Et aussi, on aime bien les chiffres ronds, fait que oui, 2017, ça fait 40 ans, mais peut-être aussi qu'on n'est pas tant patient parce que 2027, dans un petit bout! Oui, ça me fait rire. L'occasion, c'est vrai que c'est beau les chiffrons de mettre des occasions bien précises, surtout parce que dans l'optique où ils veulent vraiment être comme une archive vivante de l'histoire du punk et particulièrement de celle de Montréal, je comprends de vouloir commencer à une date aussi précise pour, on dirait, partir sur des bases solides. Je vous parle déjà de mon expérience de crowd ou de non-crowd, mais on dit histoire du punk parce que oui, il y avait des expositions d'affiches, il y avait un marché aux punks, oui, bon jeu de mots, et il y avait aussi des films diffusés sur le site. C'était à côté de la place des enfants et tu vois, je crie de ma propre insatisfaction d'avoir géré mon horaire de crowd. Au flot des shows, et ils étaient constants puisqu'il y avait deux scènes, une en face de l'autre, qui a fait en sorte que... j'ai juste passé ma journée à regarder des spectacles. C'est quand même légitime pour critique de crowd, parce que j'étais tout le temps dans la crowd. C'est pas pour dire que, disons, aux films, aux expositions, il y avait pas de crowd, mais tout simplement le fait que, c'est quand même... j'allais dire particulier, deux scènes. Je me rappelle, justement, la dernière édition des V Montréal, il y en avait trois, une petite pour des groupes peut-être un peu plus nichés et deux grandes scènes pour tout le restant de la journée qui, elles, vraiment s'alternaient. Les deux jouaient pas en même temps, tandis que la troisième, oui. Alors, le fait qu'il y avait aucune interruption ou aucune possibilité d'aller butiner. Ah, tiens, le groupe m'intéresse moins. Ah, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Mais cette fois-ci, non, c'était assez facile en une minute de se rendre à l'autre scène et de tout simplement faire des allers-retours et d'être constamment dans la foule. Mais c'est... En même temps, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vous cacherai pas que j'ai eu chaud. Ou à un moment donné, pour tous ceux qui écoutent Critique de Crowd et qui s'intéressent pas justement au rock, au punk, au métal et que je vous... parle beaucoup trop souvent de body surf, de mosh pit et de trash, je dois te dire, voyons, Jalen, un trash, là, le monde se pousse, merci, bonsoir, là, t'as pas besoin de passer une heure et demie là-dessus. Ah ben ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, dans la journée, j'ai eu le même constat, mais je crois que c'est que le soleil me tapait peut-être un peu trop sur la tête, ou tout simplement d'être tout le temps dans la crowd, de 2 heures dans mon cas, jusqu'à 10-11 heures, c'est terminé la soirée avec le rappel avec Dropkick Murphys et Rancid. C'était une belle et grosse journée, mais ouais, c'est juste... C'est nono, hein? C'est juste hier que j'ai réalisé que j'ai manqué l'exposition. Ouais, j'aime ça les musées, alors pour moi c'est comme un mini musée que j'ai complètement passé à côté, puis je suis assez triste. Et pour me consoler, ou du moins plutôt me rattraper, j'ai demandé à mon vaillant Mathieu Beauséjour, qui est présentement en remplacement de notre cher Roman Blouin. Pendant tout le mois, il fait résidence à Nous sommes les rockeurs, et étant lui-même un dictionnaire sur deux pattes, un musée du punk sur deux pattes, il n'a pas tant de patch, mais il peut t'en jaser, fait que ça fonctionne pareil. Mais je lui ai demandé justement de nous faire un petit condensé de groupes marquants. Alors, parmi les premiers band punk en France, on va en écouter durant l'émission et on va commencer par Star Shooter avec Quelle crise bébé, et ça va être suivi Gasoline avec Killer Man. J'espère que vous allez apprécier tout comme moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Get it! Killerman sur les zones de la marge du groupe Gasoline. Non, pas Gasoline qui vient du Saguenay, mais plutôt de France. Et vous avez aussi entendu Star Shooter avec la chanson Quelle crise bébé qui se retrouve sur Pin-Up Blonde. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui arrive tranquillement, mais sûrement. Ouais, ben, de pas trop de bonheur. Comme je disais. Ouais, le site ouvrait à midi. Mon Dieu, je le mentionne. Parce que je trouve que l'information, ils ont été rajoutés, pas à la dernière minute, Paylips, mais quand même, il y avait des fois des flyers qui mentionnaient comme que c'était à 1h, mais finalement, le site ouvrait à midi. Elle a joué à 12h30. Ah! Je trouvais ça triste. Peut-être, il a dû manquer de la crowd juste pour peut-être une certaine confusion possible sur l'heure. Mais bon, de toute façon, j'allais dire, on dirait que j'essaie de pas trop prendre toute ma journée pour Critique de Crowd. En même temps, tu vois, je suis remplie d'hésitation parce que j'aime la crowd, j'aime les bands, puis je regrette de pas être arrivée aussitôt pour les voir. J'en suis bien triste. Puis, c'est à un moment donné, c'est tellement demandant à voir autant de groupes dans une seule journée. Je suis fière de vous, chers festivaliers. Vous êtes bien organisés. C'est surtout ça le point. Et je le dis tout de suite parce que avant même d'arriver sur le site, je croise une certaine Émilie qui écoute Critique de Crowd. Je te salue. Elle m'a dit allô, allô Critique. Et oui, on commence à se piquer une jasette. Et là, je dis à la fille, hey, mais t'es en robe. Tu vas pas t'en venir tout de suite à 77. Et là, elle monte sa robe et elle me montre pas, mais plutôt elle la soulève et non, elle m'a pas montré ses bobettes, elle m'a plutôt montré ses cuissards. Et là, j'ai fait quelle fille organisée. Je dois investir dans cette tenue vestimentaire telle que le cuissard, parce que je me dis, c'est pratique. C'est bien pratique. Tu peux faire des folies, tu peux t'énerver, puis tu peux être en robe en même temps. Ça me faisait quand même capoter. Oui, le festivalier est organisé, et particulièrement dans les show punk, là. Ah, Chicago, j'ai toujours un doute, toi, avec tes flancs dans tes cheveux qui vont pas tenir 2 secondes, là, puis tes sandales, là. Mais question punk et rocker, non, je le sais. Je sais que tu l'as, parce que tu m'as influencé. Je me suis acheté Un sac banane! J'avais un préjugé, je crois, envers le port du sac banane. Le mien est très... Il est très ridiculement punk. Il y a comme des studs partout, mais déjà piqué dessus. Tu sais, quand on dit, ah ouais, le punk, c'est plus ce que c'était, c'est tellement vendu, tu peux acheter du stock déjà tout fait. Ah ben, complètement victime, hein, j'ai acheté un sac banane pré-studé, toi. Fait que ça... Ça n'a aucun sens, mais je tiens à le dire que mon expérience de crowd était complètement différente grâce à ce sac banane. Ben oui, j'étais légère, j'étais pratique. Oui, il faut que tu amènes juste l'essentiel. Faut tout se mettre dans des petits ziplocs, là, pour pas que ça pogne l'eau, pas qu'il arrive un malheur. Mais oui, très bonne influence, festivalier organisé. Et vous dites, y a pas que ça à 77. Comme festivalier, quoi, que ça peut se mélanger, hein. On n'est pas des blocs monolithiques, fait qu'on n'est pas juste sur le party, parce qu'il faut le mentionner. Oh oui, il y a un gros mélange entre ce mélomane fervent connaisseur qui est venu voir X, vraiment juste pour X. Oui, quand même. Et ceux qui sont venus quasiment juste pour Dropkick Murphys, puis qui sont ben excités, ben sur le party. Mais je crois que ça n'a pas non plus une frontière disons infranchissable. J'avais beaucoup cette impression-là en jasant avec des festivaliers qui connaissaient bien les bands et ils étaient juste très fervent, mais physiquement, dans leur enthousiasme aussi, pas juste attentif parce qu'il va être le premier dans la rangée. C'est beau aussi d'avoir ces mélanges-là. Alors, sur ce, ben oui, je finis d'être dans le métro avec notre chère Émilie et sa chère Rob. Et pour ceux qui ont toujours pas visité le parc Jean-Drapeau depuis les rénovations, ben ouais, il y a l'île Sainte-Hélène, il y a l'île Notre-Dame, mais cette fois-ci, ben ouais, il fallait traverser vers l'île Notre-Dame entre le circuit Gilles Villeneuve. Pas trop le feeling d'être ça à la course, là, mais ouais, on a plus l'impression d'être, j'allais dire dans la nature, mais quoi qu'avec sa petite colline, hein, l'ancien site, mais quand même que, bon, j'allais dire bucolique, mais on va se retenir, là, fait que ouais, un petit aspect dans la nature. Mais oui, ma première impression, c'est que c'était petit, mais ça a été bien rempli par la foule. Fait que je vous dirais que pour la dimension de l'espace pour le festival, j'ai trouvé ça bien convenable, bien efficace. Et je suis arrivée et... Ouais, là, quand je vous dis toutes mes hésitations d'arriver, puis tu sais, dans une journée complète, puis en même temps, faut le vivre au complet. Un festival, c'est une journée entière. Vu que c'est un vendredi, je consens qu'il y en a qui travaillent le vendredi, puis qu'ils sont arrivés juste pour le soir. Mais ouais, une expérience complète et presque complète dans mon cas. Ça a été bénéfique. J'en ai bien apprécié, puisque je suis arrivée, puis j'ai pu voir plusieurs groupes québécois qui ont marqué justement l'histoire de la musique d'ici, et je pense entre autres à Genetic Control, qui ils sont dans les premiers bands hardcore à Montréal, mais aussi le chanteur, par la suite, a été dans les débuts du projet DBC, qui est un des premiers groupes metal aussi au Québec. Alors, on peut pas dire que c'est pas une personnalité marquante. Et voilà, là, ils ont sorti un album, c'est 2005-2006, avec, de leur stock, parce que dans leur période de band vivant, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de chansons. Alors, c'est pour cette raison-là que je voulais vous passer l'album Brave New World, Genetic Control. C'est des enregistrements en direct. Je trouve qu'on le sentait pas jusqu'à la fin de la chanson avec les merveilleux applaudissements pour Genetic Control. First Impression que vous avez entendu sur l'album Brave New World. Et critique de crowd, là, enfin, elle arrive, puis c'est en plein spectacle de Genetic Control. Et, mon Dieu, je suis bien rempli d'hésitations cette semaine. Les débuts sont durs, parce que... Arriver de bonne heure à un festival qui va durer comme, pas si tard que ça en soirée, là. Ça dépend c'est quoi ta notion de tard, là, mais 10-11 heures. Et arriver de bonne heure en après-midi, ça a pas un gros impact déjà sur l'énergie dans la foule. On se préserve parce qu'on a envie d'être vraiment dedans, mais que ce soit notre band. Puis, si c'est Rancid, ça se peut que, ne te retiens pas si longtemps que ça, crowd, là. Mais en même temps, je comprends. Je comprends ta gestion d'énergie sous le soleil, complètement. Et aussi, ça peut aussi une question d'intérêt puis une question de nombre dans la foule. On n'est pas encore à la pleine capacité de crowd, là. No. Et, début du spectacle que j'ai manqué et qui était, qui a déçu certaines personnes parce qu'ils ont fait des reprises des Clash puis des Ramones, puis moi-même quand je suis arrivée, il y a le nom du band avec leur logo, mais leur comme la signature du groupe là, si on veut, mais c'était avec le lettrage de Motorhead, fait que j'étais un peu comme c'est vrai que ça devait donner un étrange sentiment aux gens qui voulaient aller les voir pour leurs chansons. Ils sont courtes et ils pouvaient ne pas vouloir juste faire leur matériel, ça c'est à leur discrétion, c'est sûr, mais pour ceux qui auraient voulu juste voir leur stock à eux, je crois que oui, il peut avoir une certaine déception, pas le sentiment, pour ceux qui les connaissaient pas, de les découvrir, étant donné, ils faisaient pas leur tune. Mais j'avoue que... Dans tout le moment où je suis comme, j'arrive-tu de bonheur, j'arrive-tu de pas bonheur? Oh oui, j'ai joué au yo-yo chez nous un petit peu, moi être franche, là, avant de décider de partir... Mais mon retard aurait été bénéfique pour ça. J'ai quand même apprécié la prestation parce que j'ai pas pogné le bout des covers. Ouais. Par contre, je fais bien le constat comme « Ah, bien des festivals, ben ouais. » Une clôture qui nous supporte bien la foule. Les deux scènes, ce sera le cas, ben oui, pour les fils, pour se rendre jusqu'à la console. Je comprends bien, des fois, je me demande si c'est juste aussi une question de sécurité. C'est à suivre parce que pour une fois, et je crois pour une de mes premières fois, cette dite clôture a été pratique parce que oui, c'est deux clôtures avec de la place. Oh, de la place. Et aussi de l'asphalte. Il y avait un côté S ou S, je n'ai pas le sens de l'orientation, mais il y en avait une, c'est la grosse garnotte, là, vraiment grosse garnotte. Et de ce côté-ci, où il y avait Genetic Control, c'était de l'asphalte, mais pas tout à fait séché. Alors, il y avait... Il y avait de la boîte! Ben oui, ben boîte. J'ai la boîte facile, là, c'est plus comme de l'eau brune. De l'eau brune et... Pour l'énergie qu'il y avait dans la foule, oui, on sent une petite c'est hardcore, faut bien se donner. La flaque d'eau brune, de petite boîte liquide, sera le lieu du pit, comme si ça va pas être ailleurs au monde. Je vous le dis parce que, les gens qui voulaient participer ou qui voulaient un peu s'énerver, ça a été très, très tranquille, là. Ben, il y allait vers la flaque. Je sais. Elle avait une attraction, je ne pourrais pas vous dire. En même temps, je comprenais. Tu sais, c'est drôle parce qu'un pit, c'est quand même circulaire. La flaque était ronde. Je trouvais qu'il y avait une géométrie quand même explicable. Mais autrement, mon Dieu, celui qui a commencé en plus était en bédaine. Puis, tu sais, elle donne des coups exprès. On est un peu gamin à piétiner dans l'eau, là, à sauter. Ben oui. Déjà, on est tout sale, puis il est 2 heures. C'est bien correct. Mais ce que j'ai marqué, de cute même, je dois dire, c'est la façon qu'il commençait à vouloir trasher les gars. Oui, j'ai été distante, j'ai pas participé. Mais c'est que, dans le fond, là, il arrivait. Puis là, il commençait comme à coller le monde. Tu sais, c'était plus câlin. Comme je te flatte le dos. Puis, tu sais, juste comme un petit mouvement de... Ça te tente-tu de participer? Moi, je suis là pour ça. Tu sais, les gens savaient un peu qui viser. C'était les plus partants. Un peu les plus colosses, là, on va en préjuger. Ouais, c'est vrai, ça, j'étais pas si loin que ça. Tu aurais pu me flatouiller le bras, garçon, et peut-être que je t'aurais poussaillé. Ouais. Qui sait? Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Ouais, sans dire affectueux, mais quand même tendre. Tendre pour du hardcore, surtout pour l'amener. Maman cute! Fait que je trouve que ça commençait bien ma journée. Et autrement, la journée ne sera pas longue, mais peut-être l'était-elle pour le groupe. Je le mentionne, mais ils nous ont souhaité good night. Ils nous ont souhaité bonne nuit à 2 heures. Moi, ça me mélange. C'est comme les boulangers. OK, ça, c'est vraiment une parenthèse. Mais tu sais, quand tu vas à la boulangerie à 2 heures de l'après-midi, là, je sais que leur journée est longue, puis tu souhaites tout le temps comme bonne fin de soirée, puis t'es comme what? Ma journée, elle commence, là, laisse-moi... Laisse-moi une chance, s'il te plaît! Je sais pas aussi lève tôt que toi, mais je mérite ma journée! Fait que, ouais, ça me trouble toujours quand quelqu'un nous souhaite bonne nuit, trop de bonheur, là, s'il vous plaît. La journée est longue et elle sera agréable. Et en l'honneur de cette flaque de boîte, vautrez dans la boue, mon autre groupe. mon autre groupe sur les ondes de CISM, et c'était la chanson Vautrer dans la boue. Ben oui, du punk rock, du punk rock, du punk! Ben oui, à Critique de Crowd, après les publicités, à tout de suite. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Lundi 31 juillet, soirée DJ. Mardi 1er août, Antoine Corriveau. Mercredi 2 août, soirée DJ. Jeudi 3 août, une autre soirée DJ. Le vendredi 4 août, Paul Lazarus, Luc Sacré et Félix Joseph. Le samedi 5 août, The Friendly Frogs, Jimbo et Jamboree Jambora. Dimanche 6 août, des plugs présents, Gab Paquet. Quai des Brumes, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Du 10 au 12 août, rendez-vous à la TEU pour la FAIA. Pierre Quenders, Poirier, Migration Sound System, King Abid, Ilam et plusieurs autres vous feront danser sur des rythmes du monde. En plus, cirque, activités familiales et mise au feu de l'œuvre géante, la FAIA promet d'être flamboyante. Du 10 au 12 août à la TEU et c'est gratuit. Programmation complète à la TEU.ca. SiriusXM présente, en collaboration avec Québécois, la 15e édition du FME à Rouyn-Noranda. Le FME, c'est 4 jours de musique alternative au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec Fudge, Duchess 16, Croy, Ludovic Allary, Le Couleur, Zen Bamboo, The Wild Tones et plusieurs autres. Réserve ton week-end du 31 août au 3 septembre. Viens vivre l'expérience FME. Pour connaître la programmation, consulte le fmeat.org ou télécharge l'application mobile. Pour la 6e édition, la virée classique OSM revient en force avec plus de 30 concerts et un volet extérieur gratuit. Du 10 au 13 août, à la Place des Arts et au Quartier des Spectacles, venez assister à l'événement pour aussi peu que 10$. En vedette, Sumi Joe, Jean-Philippe Collard, Charles-Richard Hamelin, Till Fellner et plusieurs autres. De plus, ne manquez pas le grand concert d'ouverture au Stade Olympique gratuit. Détails sur viréclassique.osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec en collaboration avec la Place des Arts, hôtesse de l'événement. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda, qui vous propose cette semaine. Le Festival international Reggae de Montréal présente sa 14e édition du 18 au 20 août sur le quai du Vieux-Port de Montréal, mettant en vedette Inner Circle, Conscience, Charlie Black, RCD, Ding Dong, Eutana, Sanchez et beaucoup d'autres. Soyez-y! Festival international Reggae de Montréal, les 18, 19 et 20 août au Vieux-Port de Montréal. Achetez vos passes week-end en ligne maintenant au ticketpro.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Ne manquez pas Session 375, une série de 4 expériences spécialement créées pour célébrer Montréal. Le 10 août prochain, réservez vos amis pour la session signée Hillsonic en ville. Pour l'occasion, 2 pistes de danse géantes seront érigées au bassin Peel. À la tombée du jour, dansez votre vie en regardant le soleil se coucher sur le canal Lachine ou relaxez dans la zone lounge. Au programme, Hero Bust, Botneck, Michael Sparks, TZ et Greenwood. Venez vous dégourdir, c'est gratuit. Session 375, programmation officielle du 375e. Vous écoutez CISM 89,3 FM. De Rational Youth sur leur album Cold War Night Live. Mais oui, vous avez bien la chance vendredi de les voir en spectacle, Rational Youth avec Automélodie, Low Factor et plusieurs autres. Ça se passe aux Catacombes. Dis-moi s'il reste des billets. Je sens que ça va être une soirée fort populaire. Et oui, tu écoutes toujours Critique de Crowd qui a des belles suggestions à te faire. Oh, pas nécessairement punk rock par rapport à par rapport à cette semaine où je vous parle de 77. Ouais, ben quoi que ce soir, les Hard Rockers de Nazareth sont en spectacle au Théâtre Corona. Et en première partie, il y a nul autre que les Beaux de Luxe. Je sens que ça va être une belle soirée. Et sinon, ben... Je voudrais bien te faire 1000 suggestions, mais Oshiaga prend toute la place. Alors, vendredi, Oshiaga, samedi, Oshiaga, dimanche, Oshiaga. Par contre, si tu y vas, ben oui, je serais bien curieuse de savoir comment est le nouveau site. J'ai appris, ou tout comme moi, sur les internets, tu as vu qu'il y avait une île. Ben oui, il manquait de place, là, si vous voulez mettre 10 000... si vous voulez mettre 10 000 scènes, tu sais, il va manquer de place sur la pauvre petite île, là, en attendant que l'autre est en rénovation. Alors, oui, rapporte-moi tes critiques de crowd, je serais fort heureuse de te lire. Facebook, c'est bien pratique pour ça. Sinon, ben écoute, ben, samedi, il y a quand même She Devils avec Sherry Glasser au Belmont. Bonne soirée. Et après ça, ouais, c'est tellement pas des suggestions dans la marche comme le voudrait bien CISM parce que ouais, mardi puis mercredi, c'est Coldplay au Centre Bell. Je te le dis parce que des fois, je sais pas, t'es comme moi, là, mais des fois, t'es pas toujours au courant des grands événements. Fait que là, t'es dans le métro puis tu te dis, ben coudonc, tout le monde est sorti en même temps, que se passe-t-il? Ben maintenant, tu vas le savoir. Mardi, mercredi, tout le monde est allé voir Coldplay. Ou sinon, ils sont allés voir Khalid le mercredi au Métropolis. Non, ça, c'est le mardi. Alors, voilà, tu seras informé de ton mainstream, cher auditeur de la marge. Et finalement... L'Old Trust avec Transed vont jouer au Ritz PDB si t'as envie d'un rock sympathique. On va continuer tout de suite en musique avec les chansons du palmarès francophone. On va écouter Amor Blitz et Rose Fargo. Assassiner les démons des problèmes. Je veux bien voir cette merveille du monde. Guillotiner les fantômes. Dog. Ah, vous avez entendu Rose Fargo et Amor Blitz. Tous deux se retrouvent sur le palmarès. Et pour toutes les autres positions, c'est ism893.ca. Ou sinon, je te le mentionne pas assez souvent parce que ça prouve que je suis pas très techno. Ouais, effectivement. Il y a aussi une application pour ton téléphone intelligent. Et sinon, ben écoute, ta bonne vieille radio fait toujours bien la job. Celle de chez vous, celle dans ton auto, celle de partout où tu veux. Et Critique de Crowd est toujours là pour ta critique. Critique de 77. Ben oui, hey, pour de vrai, il y en a du stock parce que je suis en train d'oublier les Kingpins. Ah! Ça aurait été un malheur parce que c'était bien excellent. Kingpins, là, c'est le moment aussi que je le sais, cher auditeur, que souvent, vous avez plus de véhicules que moi. Là, tu sais, toi, t'écoutes depuis CISM, depuis hein, depuis le début. Hein, toi, t'es à Montréal, là, depuis Belle Lurette. Fait que tu l'as connu, la belle période du ska à Montréal. Fait que Kingpins, tu les as vus entre 96 puis 99, quand c'était tout le temps sold out. Toi, tu le sais. Mais moi, pas en tout, c'est la première fois que je les voyais, puis j'ai bien apprécié l'expérience, parce que il y a des choses qui changeront pas. Un show de ska, c'est le fun. On dirait c'est comme un constat de fille vendue. Mais ben, tu peux pas être triste. Ben oui, tu pourrais pleurer, danser le ska, mais c'est un drôle de mélange. Il se passe toujours quelque chose de sympathique. Tu danses, les gens sourient, les gens, ils ont envie de jaser. C'est vrai, je suis arrivée là-bas, puis une des premières affaires qui s'est passée, c'est qu'un gars s'est présenté, il m'a dit « Bonjour, moi c'est Cédric », puis il m'a donné une bière. Bon, ok, là, faut, disons, alléger la version, là. C'est pas... Il m'a donné une bière, il restait comme quelques gorgées, il était bien chaude. Lui, il commençait à être chaudard. Je me dis, comment il va finir sa journée, notre beau Cédric? Reste que j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça très camarade, pas dédaigneux, ça c'est certain. Mais surtout, j'ai fait le plus grand des constats. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé des types de festivaliers sans vouloir mettre des lignes très rigides, mais j'ai surtout fait ce constat-là. Les fêtards, c'est tout le temps ceux qui commencent le plus tôt! Mais en même temps, dans le mot fêtard, il y a le mot tard. Mais non, check notre Cédric, là. Il est là, puis il est là, tout de bonne heure. Et j'ai déjà genre sur son état d'alcoolémie. C'est juste que, tu le vois qu'il est déjà sur le party, puis il est 2h30, là. Fait que c'est comme, oh, wow, avec toute l'énergie que tu mets en ce moment, tu vas... Tu sais, comme si tu la batterie énergisère, tu sais, c'est comme ton lapin, là, il va se rendre jusque où dans la soirée, là, ça se peut-tu? Fait que, ouais, vous m'épatez. Il y a comme quelque chose de surhumain dans le fêtard, puisqu'il commence tôt. Et il y a aussi, il est toujours un peu... déglingandé. Je dis ça parce que l'autre fighter fight tôt là, ben écoute, il y avait la fourche toute défaite. Son pantalon, là, il était troué, mais juste du derrière. Ben il y avait des boxeurs carottés, ça fait bien punk le carotté, fait que ça marchait. Mais tu sais le genre de festivalier que lui, il y a pas de ceinture. Il y a un cordon en guise de ceinture. Il est sur le party puis le vêtement et le textile, c'est tellement quelque chose de secondaire là, tu sais lui. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Et, ah mon Dieu, l'autre fêteur est très, très sociable. Un feu roulant. Il était drôle. Il faisait la danse du bacon en ska. Oui, oui, ska bacon. Ouais, ska bacon. Il faisait le ska bacon, puis tu sais, des fois, il donnait des moves de pistolet à tout le monde un peu partout. Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Puis là, il m'a... Oui, c'est un pistolet avec des lasers, là, parce que pow, pow, c'était moins cute en onde. Fait que ouais, il faisait des pow, pow, puis il m'en faisait une coupe, puis j'étais comme, hé, hey, il me vise, je suis tiré, puis ouais, c'est drôle, là. C'est tellement... C'est cabotin. Il y a quelque chose d'enfantin, et c'est peut-être la présence, oui, d'un enfant dans la foule. Le festival... j'allais dire admettait les enfants, non là, mais plutôt il les accueillait chaleureusement avec même une section enfants. Tout était pensé pour que les enfants soient la bienvenue, et il était vraiment beaucoup, notre petite avec un t-shirt des les planètes smashers. C'est là le moment où j'ai senti un pit inclusif, parce que la petite fille était comme vraiment proche du pit. C'est sûr que c'est ska, il y a une distance, c'est pas violent, mais en même temps, les gens y allaient vers elle, fait des pouces en l'air, veulent danser avec elle. C'était vraiment, vraiment cute! Et sinon, ça s'est terminé avec un élan que j'ai inattendu, j'ai jamais vu un circle pit ska. Ouais, ouais. Peut-être que tu me diras que c'est fréquent, c'est du déjà vu, hein, toi qui as connu la grande période ska de Montréal. Non, ouais, je te lâche. Mais pour de vrai, je me suis dit, voyons, j'ai jamais vu ça. C'est efficace, c'est sympathique. J'adorais ça. Faites ça plus souvent, crowd des Circle Pit ska. On en veut plus, tout le temps. N'importe quelle occasion. Même pas besoin que ce soit un show ska. Tout le temps. Tout le temps. Et on va continuer avec les Kingpins. Parce que, ben oui, on a quelques chansons en français. Entre autres, Simon vient danser le ska. On l'a l'adore, Manon, mais cette fois-ci, ce sera, oui, Simon. Et c'est sur la compilation que j'aime bien vous passer. Two Tongues, le Québec en montre une. Bien à l'attaque, Twisted vous chantait une de leurs plus récentes chansons, puisque l'album est toujours pas sorti, The Creepshow avec Sticks and Stones. On dirait que j'hésite. Je te confirme le titre et je te le mettrai même sur le Facebook de Critique de Crowd. Ouais, je trouve que ça vaut la peine. The Creepshow, ben oui, c'était la section Psychobilly du festival. La section, ben c'était le seul groupe, effectivement, du genre. Et le groupe, je l'avais déjà vu. J'en ai fait la critique même jadis. Je dis jadis parce que ça doit être les débuts de Critique de Crowd. J'ai quasiment des doutes que c'était la présente chanteuse. Ils ont changé deux fois. Alors, ouais, des petits doutes. Mais ce qui est par contre remarquable de l'anecdote, c'est que je les ai vus dans Hochelaga. C'était un festival septembre barbecue sympathique. Et surtout, le show, il se passait au Vélo Expresso. Fait que entre deux racks à bessiques, j'ai vu The Creepshow qui m'avait pas autant marqué que cette fois-ci. Peut-être, je sais pas, c'est quelqu'un à l'époque qui m'avait dit « Ah, Creepshow, tu sais, c'est vraiment un fan rockabilly, psychobilly, puis peut-être un peu puriste, là, qui m'a fait comme « Ah, c'est tellement catchy, puis ah, tu gâches-tu ton plaisir pour rien, chère personne? » Parce que c'est, oui, c'est accrocheur et c'est très léché aussi comme montage sonore, mais c'est tellement bon! Ça fonctionne sur scène! La chanteuse, quel charisme! Tu la vois aller, quand elle est pas à guitte, elle est à gauche, à droite, elle se promène partout sur scène, elle descend en bas voir la foule. Et c'est le moment que la clôture va, oui, rendre service autant à l'artiste qu'à la crowd, puisqu'à la fin de sa prestation, ben oui, est allée se promener vraiment entre la craque de foule. Et c'est, ouais, j'avoue que j'ai aimé ça. Je suis pas fan, fait que... dans la vie en général, j'ai pas trop l'attitude de ah, je vais absolument te toucher ou prendre une photo. Fait que dans ce sens-là, je veux dire que je suis pas très fan là. Ouais, je sais pas, c'est pas une attitude que j'ai ou c'est pas comme ça que je vis mon spectacle, mais je respecte ça, je vous le dis parce que il y en avait beaucoup des gens là justement pourquoi elle serait allée faire un bain de foule, c'est pas ben faire des high five. Ben oui, il y a 10 000 high five qui se passent et la photo sera à l'honneur. Ah, du selfie, c'est fou comme elle est en train de tout arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Excuse-moi, je vais prendre une photo. » C'était très poli, mais c'est sûr que ça demandait comme une certaine préparation, comme « Excuse-moi, veux-tu prendre une photo? » Mais on fait juste le mimer, on se place pour le selfie, merci, elle s'en va. Fait que je pense qu'elle a eu le temps d'en faire 2 ou 3 maximum, là, parce que ça demande quand même ça demande quand même un peu de temps. Ça, c'est à la toute fin du spectacle, mais sinon, au tout début, je retrouve qu'on se fait des amis dans la crowd. Là, j'avoue, on est à la radio, fait que je pense qu'il faut que je le mentionne. En même temps, c'est pas ça a l'air de se vanter. Mais tu sais, j'ai une petite fille puis j'ai une face sympathique. Je sais pas si j'étais un gros colosse et que je sais pas, j'avais l'air bête tout le temps. Comment j'y vivrais mon expérience de foule, tu sais? Parce que là, tu vois-tu crowd, ben je retrouve notre fameux Cédric de la bière de tantôt, tu sais, la crowd est petite puis il y a juste un show, fait que c'est facile de retrouver le monde. Fait qu'il est comme "Hein, toi, on s'est vu tantôt, je t'ai donné une gorgée." Fait qu'on danse. Et oui, c'est sympathique dans le pit, on prend de la place, ça varie aussi les mouvements. Oui, le trash s'installe. Il est 3 heures, mais je vous dirais que l'atmosphère se fait beaucoup plus sentir. Oui, sympathique. Même le groupe a proposé un circle pit. Ça se passe. Mais sinon, je reviens à notre cher nouvel ami, là. C'est parce qu'il m'a proposé un body surf. C'était un peu maladroit, je comprenais pas trop. Puis après ça, j'ai fait « Ah, ben oui ». Et je crois que j'ai été le premier de la journée parce que j'en ai pas vu avant. Ça se peut que je me trompe, parce que c'est aussi ça, critique de crowd. Ah, je suis tout seul avec ma paire de yeux. Fait que c'est pas toujours évident. Mais oui, je crois que j'ai été le premier body surf. Efficace, une tenue bien ferme. J'avais pas peur de tomber, je me sentais en sécurité. Par contre, c'était lent, tu sais. J'ai eu le temps de faire le move de tu sais, quand tu te prélasses à la plage et tu mets tes deux mains derrière ta tête. J'espère que tu as le mime en tête, cher auditeur de la marche, parce que j'étais exactement comme ça. Pendant 2 secondes, j'étais comme, ben, coudonc, j'ai le temps de me reposer, moi. Fait que j'ai permis d'avoir de faire des petites blagounettes à ceux qui pouvaient les voir au-dessus de la foule. Alors, voilà, sympathique. Et Creepshow, ouais, je les ai redécouverts, je vous dirais. Et étant donné que ce ne sont pas les seuls au monde à faire du Psycho Billy, j'avais envie de vous faire passer Gutter Demon, je les aime beaucoup. Et sur l'album Misery Madness et Murder Lullabies, il y a la chanson Recherchée. peut-être, mais Jolene, mon Dieu, une première, t'aurais-tu enregistré un bout de spectacle? Non, mais presque, c'était effectivement Jack Burns qui est en prestation effectivement au Festival 77, mais surtout, vous venez d'entendre un extrait du festival même. Oui, c'était bel et bien en fin de semaine, ça s'est passé. Et surtout, on pouvait entendre du blablatage. C'est... Hey, tu vois, moi, j'ai envie de dire que c'est un choix audacieux de mettre Jack Burns. Oui, je crois que plusieurs auraient voulu le voir avec sa formation originale pour, tu sais, comme, pouvoir, trasher puis s'énerver. Puis en même temps, hey, justement, ça me donne le goût d'en écouter du Stiff Litter Finger. Hey, on écoute pour juste comparer. Just like the fight, just a tooth and death. The solutions are the problems. They put it up the wall. On inside time and privacy. Ah, peut-être que les gens avaient plus envie de crier, permettez-moi de le dire, fuck off, que de d'entendre parler de Jack de sa dépression. Oui, je trouve que c'est un choix audacieux dans la programmation, dans le sens où ça, oui, ça venait entrecouper. On venait d'entendre du Joss Major qui font dans, pop, punk, emo, puis ça, c'est bien sympathique, puis ça peut clasher avec... avec Matt Ball après, tu sais, c'est sûr que ça pouvait rentrer étrangement pour certains dans la programmation. Pour certains, ça peut aussi sembler comme une accalmie, le temps de se reposer, parce que quand même, tu as chaud au soleil, il faut s'hydrater, passer boire de l'eau, la crème solaire, ben oui. Mais dans les faits, là, c'est plutôt parce qu'ils partaient en tournée, les trois ensemble, Rancid, Dropkick Murphys, puis Jack Burns, fait que c'était comme normal qu'ils étaient là tout simplement en set acoustique, et pas autrement! Mais encore une fois, moi j'aime ça. J'aime ça qu'on nous prenne pas juste pour des fêteurs écervelés qui boivent de la bière puis qui l'échappent partout. Non, on est capable d'écouter un show acoustique, d'être attentif à 3-4 heures pendant que t'as trashé juste avant. T'sais, on est des gens, allumés, intelligents, qui s'intéressent à musique punk, fait que c'est pour ça qu'on est là. Puis même si oui, c'est sûr que là, l'enregistrement, il s'est fait loin. Moi, j'étais plus proche de ça dans la foule, puis ça parlait pas tant que ça. Moi, je trouvais que c'était vraiment pas si pire. Seule chose, je comprends qu'il y en a qui peut-être ils l'aimaient beaucoup, ou peut-être qu'il y en a, oui, qui peuvent être un petit peu plus sa fête que d'autres, fait que t'as envie de gueuler oi oi puis être comme hey oh let's go. Il y en a eu des oh et oui des hey oh let's go. C'est peut-être pas tout à fait à propos, parce que ouais, quand il parle, fais pas des oi oi oi. C'est comme la moindre des choses. Quand quelqu'un parle, tu l'écoutes, puis après ça, tu peux applaudir, tu peux acclamer, tu peux crier des affaires, mais pas quand il parle. C'est le seul souci. Disons, entre les gens qui avaient aucune retenue, puis qui voulaient juste fermer leur gueule, puis ils étaient comme ta gueule, je vous dirais qu'entre les deux, je dis tu peux les aimer plus fort que la moyenne des gens qui font juste écouter, mais pas pendant qu'ils parlent. Alors, sur ça, je pensais que c'était la moindre des choses, mais bon, c'est la vie. On va, il a parlé de sa dépression, fait que le groupe Dépression, vieux groupe français, ils vont nous chanter « Debout papa ». Plus tard, toujours plus tard, mais il a mis longtemps, je connais la chanson trop tard. Sera bientôt tard quand tu t'apercevras que tu t'es fait avoir, ouais. Allez, debout papa. Debout papa, ne t'endors pas papa. Après Debout Papa, vous avez aussi entendu Date Limite de Vente de Stalag, un autre groupe parmi les premiers punk rockers français. Et voilà, alors sinon, ben, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Qui est rendu à Madball? Ben oui, j'y vais en ordre chronologique de cette très grande journée à 77. Et Madball, ben oui, c'était les représentants hardcore américains de la journée. Et je ris parce que je vous l'ai dit en début d'émission, tu sais, des fois, je sais pas la limite du concept de critique de crowd. Et c'est vrai que je trouve que tous les pits et chaque mouvement de foule a quelque chose d'unique. Simplement que, en voyant Madball, tu sais, je le sais déjà qu'il va avoir un mosh pit, tu sais. Il y a comme, c'est le genre de band qu'il y aura pas de surprise. S'il y en a pas, c'est l'inverse. Je vais me demander qu'est-ce qui se passe. Et ça, par contre, ce que je peux quand même leur concéder, c'est que ça, oui, on est dans la technique moshing, bras moulinet, mais pas trop. C'est très flexible où ça prend pas toute la place parce que ça vire facilement en pit. Ça me rappelle Hatebreed. Ça me rappelle Hatebreed aussi parce que tu le sais qu'à Hatebreed, il y a beaucoup de gens qui vont là pour le mosh pit. Puis tu le sais que dès qu'il y a une note qui part, il va avoir un trash. Puis après ça, la seconde ça finit, ben il va être fini. Mais entre ça, trash, rah, puis de la poussière dans les airs. Ouais, ouais, oh mon Dieu, comment l'air est dégueu dans ces shows-là. Je vous le dis, tu sais, on était dans de la garnotte, on était même pas dans le sable, c'est pour vous dire. Mais ce que j'ai bien apprécié, oh, ce que j'ai trouvé drôle en premier, j'ai trouvé ça drôle la gestion de l'ob, tu sais, hardcore égale souvent, parfois, de temps en temps, gars avec des gros stretch, mais là, il perdait tout le temps, fait qu'il était tout le temps en train de gérer de son mes oreilles, fait que là, il retrouvait ses bouchons puis il remettait, fait quand même accessoire, hein, la coquetterie, c'est pas toujours facile dans le pit, mais ouais, là où je suis ouais, ben, heureuse, je pourrais pas vous dire, mais là où la camaraderie revient encore une fois, notre cher ami avec les pantalons tout troués vient me voir, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on se voit dans la foule, puis il est déçu, il est pas content. J'irais même jusqu'à dire choqué, il est choqué, choqué dans un pit de hardcore. Quoi que c'est la bonne occasion pour, tu sais, tu peux te défouler. Mais mais le gars est déçu parce que tu le vois qu'il y a plus de plaisir, je sais pas, justement un show ska ou quand c'est un peu plus léger. Puis il me dit, mais pourquoi? Pourquoi les gens, ils ont besoin d'avoir le coude aussi élevé? Et oui, j'apprécie que ça soit ben un gars qui trouve pas sa place dans le pit et qui se demande pourquoi cette surviolence, en quelque sorte, est-elle nécessaire? Est-elle si agréable? Effectivement, ça ne l'est pas pour tous. C'est un peu frondeur, c'est un peu c'est qui le plus tough de la gang. C'est vrai, il y a un petit concours de testostérone dans tout ça. Ce serait dur de se le cacher. Je pense qu'il y en a un qui voulait vraiment jouer au tough ou juste qu'il n'y avait pas le cardio qu'il allait avec, mais il y avait un gars genre sur le bord du pit qui était tout le temps un petit bonhomme. Tu sais, il va-tu bien? Là, il a l'air de se reposer. Après ça, il retourne. Après ça, je pense que peut-être qu'il faisait de l'as puis il avait besoin d'aide. On le sait pas. Il était comme tranquille, mais il revenait tout le temps dans le pit. Il retournait tout le temps, moché. Puis en même temps, lui, il se couchait. À vrai dire, moi, je me suis plutôt dit, ouais, j'ai pas posé la question. Je l'ai laissé tranquille. Mais je me suis dit que c'est comme sa façon de se reposer. Lui, il est comme c'est tout ou rien. Soit je suis sur mes deux jambes puis je suis dans le mosh pit et après ça je m'écroule, je suis couché en petit bonhomme, je me réénergise puis retourne dans le mosh pit. Moi, ce sera mon analyse de la situation qui était particulière. Heureusement, il était assez loin puis il y avait de l'espace entre le pit et le restant de la crowd parce que sinon il aurait pu être accroché, ça aurait pu être dangereux. Et là là, mes chers amis, et lui qui appréciait peu cette violence et qui ne la comprenait pas. J'étais heureuse de voir que quelqu'un qui est dans tous les pits, dans tous les shows de toute la journée, ne trouve pas nécessairement toujours sa place, hein. Quand même pas le pit pour le pit, justement. Ben, lui, il m'a dit « Hey, tantôt à Bouncing Soul, ça va être malade. » Et moi, je suis pas fan de pantoute, fait que j'étais comme « D'accord. » Et on va en écouter un extrait, Bouncing Souls. Et voilà, je sais pas si ça t'a convaincu. Personnellement, ben je pense que ça m'a pas plus convaincu en spectacle. Oui, ça touche, oui, les gens sont heureux. Pas une grosse foule. Des fois, j'ai l'impression que moi, les gens allaient voir ailleurs simplement quand c'était pas leur goût. Ouais, peut-être. Je trouvais que ça se déplaçait quand même facilement dans cette foule-là. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est un peu comme la chanteuse de Creepshow, Greg. Le chanteur est allé faire bain de foule. La seule chose, c'est que je sais pas. Mais ça, c'est un band qui roule beaucoup. Mais il oubliait ses paroles ou carrément, il arrêtait de chanter. Il était pas capable de prendre des photos puis d'être dans la crowd puis chanter. Bon, c'est sûr que, tu sais, je sais pas, mais ta priorité, c'est comme de chanter et non, t'es chanteur, tu chantes. Ben, c'est correct. Tu peux aussi prendre des breaks, ça te fait plaisir. Juste que c'était quand même, c'est arrivé deux fois! Deux fois! Et je pense que je le trouvais un petit peu trop show-off aussi. Tu sais, le gars, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui veulent prendre un selfie, tu sais, d'accord, c'est une pratique maintenant courante, on est contemporain. La seule affaire, c'est si la personne veut prendre juste une photo, tu sais, c'est correct aussi. Non, non, lui, là, il prenait l'appareil, il se mettait la face avec le gars, il redonnait l'appareil, puis après ça, il était comme, tiens, t'as une photo. Le gars, il voulait beaucoup trop... Je trouve que la photo prenait beaucoup de place aussi. Il y a des bands sur scène, des fois, ils étaient comme « Hey, on veut prendre une photo avec vous autres! » Oui, oui, le moment où on accusait peut-être trop le festivalier de « Oui, prendre des selfies, les selfie sticks qui sont interdits sur les sites. » Et bon, ben là, je crois que c'est la revanche des artistes, complètement. Puis lui, c'était comme le pire exemple. Mais je veux pas le dire ainsi. Hey, je tiens à te le dire, cher auditeur, tantôt, hey, je pense trop de musique, mais en même temps, c'est moi qui me mélange d'un titre. Tantôt, je vous ai passé Métal Urbain avec la chanson Panique, mais Stalag, on va l'écouter drette là. Je suis une date limite de vente. Je suis là pour informer la cliente. Dans chaque centre distributeur, je joue les super indicateurs. Vous feriez mieux de m'apercevoir. À côté de mes qualités, à côté de mon utilité, vous oubliez la notoriété qui me conduira jusqu'au sommet. Vous faites semblant de ne pas me voir. Mais moi j'ai droit à quelques égards. Respectez ma fabrication, dépassez pas les proportions. Consommez-moi, faites attention. Respectez ma fabrication, dépassez pas les proportions. Consommez-moi, faites attention. Oh. Dépassez pas les proportions. Stalag finalement sur les ondes de la marge. Parce que oui, critique de crowd. Ben oui, critique de crowd. En plus de déparler des fois en direct, elle trouve qu'il y a bien des choses à gérer. Parce qu'il y a bien du contenu cette semaine, chers auditeurs. Quelle journée pour de vrai. J'arrête pas de le mentionner, mais j'ai eu du plaisir. Les gens étaient sympathiques. Et des belles découvertes. Moi, bien franche, je ne connaissais pas les Vandals. Et on m'avait dit, Jolene, ce groupe est drôle. Tu vas voir, ça va être drôle. Et je peux bien l'affirmer, surtout à la fin du spectacle. Commençons par la fin, parce que le guitariste lâche sa guitare et ne va que chanter. Il va chanter « I have a date ». Et il ne va pas juste la chanter sur scène, et il va descendre dans la foule. Oui, il traverse la fameuse section crack de crowd, et il va monter à la console. Il est retenu par le gars de la sécurité. Il va dans la section réservée pour les personnes en chaise roulante. Ah oui, il fait des simagrées, il s'énerve. Je trouve que pour une fois, les installations que des fois je trouve désagréables. Oui, elles méritent complètement, parce que je trouve que ça gâche du plaisir de séparer la foule. On sait jamais de quel côté va être le pit le plus fun. Ah! C'est drôle quand je vous dis qu'on se fait des amis sur place. Souvent, les gens ils donnaient des cues genre « Oh oui, le pit, là, il est plus le fun que celui à gauche, que celui à droite. » Et comme de fait, il fallait les écouter. Mais cette fois-ci, oui, le fait que ça... Oui, c'est devenu comme un parc d'amusement. Tout ce qui était des obstacles est devenu quelque chose d'agréable. Surtout pour le chanteur, mais oui, pour la foule aussi, parce qu'on en faisait partie, ou du moins on était complices, on se revirait de bord, puis on était, on était avec lui, c'est le fun. Et autrement, ben ouais, un pit, puis là, fait chaud, puis là, c'est là le moment, c'est exactement à ce moment-là de la journée, je me suis dit, un pit, c'est un pit, après tout, là, j'étais comme, j'étais un petit peu à devoir prendre un break de foule, je pense. Mais en même temps, justement, j'ai voulu prendre un break, j'étais sur le bord de la clôture, puis j'ai réalisé à quel point vous êtes des guerriers. Oh, tu sais, oui, quand c'est des shows un peu plus virulents, ceux qui sont en première rangée, ils n'arrêtent pas de ramasser la foule, là, comme un rat de marée qui leur tape sur le dos. Puis des fois, ça peut être demandant, ça peut être désagréable. Faut vraiment que tu sois fan pour vouloir être comme en avant, puis tu y tiens à ta place. Moi, j'étais sur la clôture sur le côté, puis c'était demandant. Je pense que j'ai trouvé ça plus dangereux, plus violent, plus... pour de vrai, c'était comme... Je me sentais tout le temps comme chambre en lampe, comme une chaise bancale moi-même. Là. J'étais comme, voyons, je suis pas capable d'être droite, je suis pas capable d'être stable, j'étais pas capable de checker la scène. J'étais, voyons, c'est bien dangereux être sur le bord de la clôture. Ouais, des fois, il vaut mieux être dans le pit que juste sur le bord. Ça sera la leçon avec The Vandals. Et par la suite, c'était X. Qui fêtaient leur 40e anniversaire bien d'adon avec la fondation du festival, puisqu'il revient l'année prochaine, alors je peux dire fondation, hein? Fait que, j'ai même l'impression que ce timing doit être voulu, parce que pour le nombre d'années qu'ils n'étaient pas venus à Montréal, c'était comme le point culminant de la journée, tout en l'étant pas, parce que c'était pas le show qui concluait, c'est pas celui qui amenait la foule la plus délurée, mais d'avoir la plus grande attention, une certaine forme de respect, parce que les gens étaient plus portés à danssouiller, à être ambiancés, d'autres, j'allais dire sérieux, mais c'est pas vrai, tu es rempli de conviction, parce qu'on a su tes paroles par cœur, puis ils sont contents, mais tu te vois peut-être pas nécessairement dans leur face, là, mais mais oui, alors devant un guitariste assis et une chanteuse, les bras croisés, moi je trouve que c'est justement ça. Vous me direz peut-être que c'est l'âge, peut-être c'est le je m'en fous, mais moi, je trouvais ça très, très punk de chanter les bras croisés et jouer de la guitare assis. Parce que sur tout le décorum de qu'est-ce qui est punk? Qu'est-ce qui est encore punk? Ah, ma bande de toute vendue! Ben, être encore sur scène, puis être sur scène comme t'as envie de l'être physiquement. Donc, les bras croisés, j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu quelqu'un chanter les bras croisés. Puis oui, je trouve ça très, très, très punk. C'était un beau moment où, je répète, attention, Oui, tu sais, oui, à la gauche, il y avait un petit pit, très, très, très, très petit. Mais sinon, c'était même pas nécessaire. On avait juste envie de les regarder. Sur ce, ben, je vous ai parlé beaucoup d'amitié depuis le début, fait que j'ai envie de vous passer, comme à chaque fois je parle trop d'amis, se faire des amis, Baby Black Piranha. Ben oui, un re-a parce qu'on aime bien l'entendre rire sur cette chanson de Baby Black Piranha. Ah, se faire des amis, l'album Trois Croix à l'envers. Je prends le moment, oui, de vous le dire, détendu, reposé, parce que c'est exactement ça que j'ai fait durant Dropkick Murphys. Je sais pas, pas que je les aime pas, là, juste, je prenais ça tranquille, même que j'étais distant de la foule. Bien agréable, ce punk celtique, c'est rassembleur, c'est festif. Tu le sais que tout le monde va avoir le poing à l'air en train de chanter « Roll Statue, Roll Statue, Roll Statue ». Ben ouais, ben ouais. Pis c'est bien correct, c'est le fun. C'est vrai que c'est le fun, pis c'est un gros party, pis c'est agréable, mais ouais, on dirait que je suis comme bof. J'ai envie de garder mon énergie pour Rancid jusqu'à ce que il invite plein de monde sur scène pour les deux dernières tunes. Pis là, j'étais comme ah! Ah! Non, non, je vais être moi aussi, je vais être sur scène. Pis j'étais ben trop loin, j'étais comme à l'autre bout. J'étais dans le fond au gazon, proche de l'autre scène. Ah! Oui, c'est le moment où j'avoue que moi aussi, en tant que spectatrice, je suis un peu show-off. Tantôt, j'ai accusé le chanteur des Bon Saint Souls de light, mais ouais. Ah, j'avais envie de monter sur scène. Je me sacrais un peu du show tout le long. Puis j'étais comme, non, non, il y a des confettis. Là, tout le monde danse, tout le monde est sur scène. C'est drôle, je vais être là moi aussi. Je vais être avec la crowd sur scène. J'espère que vous êtes amusés. Si vous étiez un des... parmi ces gens-là. Là. Fait que bref, si c'était toi qui étais sur scène avec Dropkick Murphys, je veux tes commentaires. Raconte-moi comment t'es sorti de la scène parce que je vous ai pas vu aller. Mystère! Bon, pas un si grand mystère, mais quand même. Oui, là, là, ça m'en prend pas grand-chose, parce que comme je vous l'ai dit, hein, juste une paire de yeux, hein, on peut pas tout voir. Mais par contre, je suis à l'avance. Il y avait un spectacle, un concours, pis là, bref, à petite tente, pour, attendre entre Dropkick Murphys et Rancid. J'ai trouvé l'idée un peu, c'est un peu bizarre. On dirait que c'était dans l'intention que les gens puissent avoir un spectacle entre les deux, parce que oui, il y avait vraiment un temps mort. Mais je préférais patienter, être assez près pour Rancid, que je n'avais jamais vu en spectacle. Jamais, jamais! Et c'est vraiment un grand bonheur d'avoir assisté à ce show-là. C'est drôle, déjà en partant, le monde est petit, il y a quelqu'un juste avant que le show commence, il me dit « Hey, je t'ai vu au show de Bronx! » Et là, je me suis dit que les gens, les spectateurs, ont vraiment une meilleure mémoire des visages que moi. Et après... C'est j'ai envie de dire que c'est le chaos tout de suite, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le Ben arrive, commence à jouer, puis il y a eu un 10 secondes de... OK, ça commence où? Puis comment? C'était palpable, comme quelque chose de... On le sait qu'il va y avoir un pit. Je vous l'ai dit, il y a des choses quand même prévisibles dans ce genre d'événement-là. Puis avec Thaïs, ça se passe-tu? Ça se passe pas? Quand c'est un 10 secondes qui durait une éternité. Je dis 10, puis ça peut-être était 3, là. C'est pour vous dire à quel point c'était court, mais qu'en même temps, il y a eu pas un doute, mais une espèce de... ça commence quand? Par où? Par qui? Qui c'est qui pousse qui? Parce que oui, il y en a qui veulent juste avoir une bonne place. Et la délimitation du pit est assez difficile dans ce genre de spectacle. Il est immense! Et c'est pas... on est loin, tu sais, justement, de Mad Balls avec du moshing. Ou tu sais, on n'a pas une technique hyper précise. C'est plus genre, t'essayes de t'extirper de la foule, tu donnes des coups un peu partout, par-ci, par-là. Tu peux danser. C'est très style libre. C'est un gros foutoir fort agréable. Et là, quand c'est parti, je sais pas pourquoi, mais j'en souviens à la réflexion que ça ressemblait à un combat de jello. Parce que, un, il y a beaucoup de gars en chess, fait que, puis avec des petits bras mous, là, fait que, ouais, ça sert. C'était la plus étrange des comparaisons que je pouvais faire pour une foule. Peut-être pas la plus, ouais, la plus élégante pour vous, désolé. Mais en même temps, c'est le même feeling. Ouais, de se battre dans le jello. Parce que tu grouilles. T'as l'impression que t'en sors jamais non plus. Parce que c'est genre, c'est mou le jello, là. Et t'en as un peu partout. T'es un peu pogné. Mais c'est surtout amusant. C'est drôle. Oui, il y en a qui sont un peu plus hargneux. Tu sais, il y avait une fille qui gueulait comme, let's fucking go! Puis elle était vraiment dedans, là. Fait que tu vois, wow, elle te fait un peu peur. Mais en général, les gens sourient, les gens sont sympathiques. Ouais, peut-être que la délimitation du pit peut amener comme certaines frictions, mais quand tout le monde trouve sa place dans le pit, ce qui peut être difficile, là, on y voit tout son sens, tout son agrément. C'est tellement... Oh, je trouve que c'est tellement facile aussi d'être dans ce genre de pit-là, mais que ça pourrait être quand même dangereux parce qu'on est rendu le soir, obscurité, les gens qui tombent, oui, ils se font toujours rattraper, mais moi, j'aurais pas voulu que ça m'arrive. C'est, ouais, ça m'aurait fait un petit stress supplémentaire parce que non, t'es pas juste une grosse garnotte, là, tu es un humain étendu par terre. ouais, d'une même. Et autrement, je crois... Est-ce que c'était au rappel avec Dropkick Murphys? C'était déjà marqué à l'horaire, là, fait qu'il y avait pas de surprise que Rancid jouait avec Dropkick. Oui, ça en fait de la guette sur scène, hein? Et c'est mon moment préféré du spectacle et de la soirée au complet. J'ai été invité tout bonnement comme ça à danser un peu, pas tant que ska, mais ouais, danser rock dans le pit. Et la façon qu'on peut étirer nos bras, ça peut être assez... ça peut être assez pratique, hein? Donner des coups tout en dansant. Et... c'est encore une fois la camaraderie, la fraternité qui se passe dans un pit qu'on je retrouve pas ailleurs dans un autre genre musical. C'est simple, c'est pas compliqué. On devient amis 30 secondes, on se dit merci, bonsoir, puis on va se revoir au show de Bronx dans 3 mois. Tu sais, le monde est petit puis est grand dans un pit et la danse y est excellente. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, chère personne. Moi, je demande pas le nom au monde. Fait que bonjour à toi. Bonjour. Sur ça, on va écouter un petit bout de Rancid parce que voilà, juste un extrait pour te donner le goût. Il y a la musique, il y a les albums. Il y a même la bibliothèque pour les emprunter, si tu veux. Et sur ça, je m'appelle Jolaine Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Un honneur d'aller voir tous ces événements pour vous les raconter. Vous êtes merveilleux, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis on écoute un petit bout de Rancid. Rendez-vous à la Tehue pour la FAYA. Pierre Quenders, Poirier, Migration Sound System, King Abid, Ilam et plusieurs autres vous feront danser sur des rythmes du monde. En plus, cirque, activités familiales et mise au feu de l'œuvre géante, la FAYA promet d'être flamboyante. Du 10 au 12 août à la Tehue et c'est gratuit. Programmation complète à la tehue.ca. SiriusXM présente, en collaboration avec Québécois, la 15e édition du FME à Rouyn-Noranda. Le FME, c'est 4 jours de musique alternative au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue, avec Fudge, Duchess 16, Croy, Ludovic Allary, Le Couleur, Zen Bamboo, The Wild Tones et plusieurs autres. Réserve ton week-end du 31 août au 3 septembre. Viens vivre l'expérience FME. Pour connaître la programmation, consulte le fmeat.org ou télécharge l'application mobile.